YPWKA. Atypique, mais je suis qui un liquide. Quand je suis le poison limpide, des livides, des lyriques sans le vieux string serré, je suis chez moi, une tête coupée sous le bras. Dans l'eau du pain, du Nutella, j'ai lutté là, c'est real life, pas du théâtre. Non, cherche de poc, de douille, format A4 pour flinguer l'autre con de skinhead. J'ai tiré au fusil sur des arabes, j'tabats alpha, à la alpatch, à 4-4. J'suis chez moi, les pneus rouges, du sang des commissaires et des acariens. J'suis un type, cherche la thune, pétasse, cherche la bite, cherche ton feu au stage, j'te brûle. Dans le bain d'acide, tu fais du hardcore, comme du PQ, j'te tords. J'ai sors dehors. Pour jeter mes poubelles dans ton hors-bord. De MC pété thune, le vrai flow. Sors de ma morgue, avant je sabote. Ça comme ta gueule, t'as tort. J'raconte le quart de ce que j'ai fait. Les psys sont défaits, des stress connards, tu vas pas flipper. A cause d'adresser, la mère Michel a fouetté son chat. J'ai fouetté la mère Michel, mais c'est ce qu'un nazi. Le père Michou et Pierre-Paul Jacques. Tu putain d'époux, et j'te rase comme un cojac. J'te rase comme une grosse chatte, tes poils tomberont dans la coque et le crack. J'fork et j'fork en l'air, à l'envers. J'fork et j'fork par devant, par derrière. J'fork et j'fork, je détends l'atmosphère. J'fork et j'fork, j'pense à ton mot subtil. J'fork et j'fork en l'air, à l'envers. J'fork et j'fork par devant, par derrière. J'fork et j'fork, je détends l'atmosphère. J'fork et j'fork, c'est toi aussi le joker. Moi, je coupe mes ongles, ta chair sous mes wads. Ma maison c'est dehors, dans ma chambre y'a trop de tags, y'a la boîte, et mon skeut dans les bacs. Et mes boîtes entourées de fils barbelés que je revends au petit chat. Les clochards me demandent des euros à la gare. Va ta fée, fais du pisse, on va sucer bâtard. J'ai l'air d'un distributeur ou quoi, j'suis pas un enfoiré pédale. Va voir Laurie ou Mimi, chill-moi, chill-moi. J'ai du business avec les Rital. J'leur vends mes balles, mon crack rempli de poils pour la ripaille. Idéal quand ils me voient avec la faux, la capuche, style. J'ai crevé les fleurs, j'apporte la froide. Dans mon oreille et j'ai un pigeon crevé. Ok, au cas où j'aurais une menace à envoyer, ouais. Un salarié à renvoyer, six pieds sous le sol cimenté. C'est mon monde, mon style, ma société prêt à t'alimenter. J'fork et j'fork en l'air, à l'envers. J'fork et j'fork par devant, par derrière. J'fork et j'fork, je détends l'atmosphère. J'fork et j'fork, j'pense à ton mot subtil. J'fork et j'fork en l'air, à l'envers. J'fork et j'fork par devant, par derrière. J'fork et j'fork, je détends l'atmosphère. J'fork et j'fork, c'est toi aussi le joueur. Les gens m'ont demandé, on te connaît pas, même si t'es qui. J'leur ai répondu, et ils ont fait dans leur petit. J'suis pas vantable, tous ces baisers d'MC. T'as dit 80 milliards de dollars, faux dollars dans ton récit. Tu t'y crois, mais tu te fais bouffer par ta mythomanie. Pour regarder tes gosses, j'serais la super nanny. Si chien, j'entends le chien, et dans le four, il est rôti. Dans les abattoirs avec Roger le boucher, j'fais mes sorties. Courir, c'est sportif, une sacoche, c'est émotif. Des femmes enceintes dans l'accendide. Je l'utopie pour l'utopie. La caillasse sous le compte rendu d'une autopsie. Tu pop-corn à la main, je vois les corps, mes vieilles victimes. Si à la police venir, je vais les broyer dans le camion poubelle. T'as cité pourri, t'inquiète, je vais te la rendre toute belle. Je le taf avec ma pelle, la pioche, je chante dans la gamelle. Je le taf que personne ne se fait, je te finis à l'eau de Javel. Je suis pas là où les traîtres à vous, je me considère pas comme un fou. Juste comme un homme d'affaires, d'un trou, un gramme pour un sou. Pour un fou, si la bac arrivera sous la blanche et les traces de Watt et la viande. Pas d'adou, fin de blues, ta trousse, PD tu nous retrouveras jamais. Oublie pas de péter les dents des victimes, c'est aspect. Avant de fumer le tarpé, par là je ne serai. J'attends pas, je vais là où on n'attend pas. Comme les attentats. J'fork et j'fork en l'air, à l'envers. J'fork et j'fork par devant, par derrière. J'fork et j'fork, je détends l'atmosphère. J'fork et j'fork, j'pense à ton mot subtil. J'fork et j'fork en l'air, à l'envers. J'fork et j'fork par devant, par derrière. J'fork et j'fork, je détends l'atmosphère. J'fork et j'fork, c'est toi au cimetière. J'fork et j'fork en l'air, à l'envers. J'fork et j'fork par devant, par derrière. J'fork et j'fork, je détends l'atmosphère. J'fork et j'fork, j'pense à ton mot subtil. J'fork et j'fork en l'air, à l'envers. J'fork et j'fork par devant, par derrière. J'fork et j'fork, je détends l'atmosphère. J'fork et j'fork.